Chapitre 5e. L'avertissement de Ralph Duncan. Après s'être un peu éloigné et tout à fait rentré sous le couvert, Ralph fit halte pour s'assurer qu'il n'était pas poursuivi. Si c'est un des pâtres, il court tout chaud après moi, car je sais parfaitement que je n'ai fait que lui abîmer les doigts. Mais si c'était, comme je le soupçonne, un coquin ligué avec Damon Reeves, il fera le mort. On connaît trop bien Ralph Duncan pour faire des bêtises autour de lui quand il a l'avantage. Lorsqu'il a pu ramasser son fusil, je devais déjà être en sécurité sous le couvert, et il ne sait plus de quel côté me chercher. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'il est vivant. Décidément, j'ai eu tort de laisser cet ennemi sur nos derrières. Pendant quelques moments encore, le jeune garçon surveilla les broussailles d'où était venu le coup de feu, mais il n'aperçut aucun indice de créature humaine. Enfin, il se retourna, et suivant les sinuosités du ruisseau qui coulait dans la direction du rancho Denison, il sortit bientôt de l'abri des bois et marcha hardiment et à grands pas vers la maison. Une demi-douzaine d'hommes flânaient devant le long bâtiment bas, un ou deux déjà en selle, les autres debout en un groupe oisif et bavard. Ralph les salua négligemment d'un signe de tête en passant. Il approchait de l'espèce de portique couvert qui régnait tout le long de la façade de la maison lorsqu'un homme de haute taille, à l'œil noir et aigu, aux longs cheveux flottants, se détacha des flâneurs et vint se mettre en travers du chemin de Ralph. C'était Tom Denison. Arrêtez, pas un pas de plus, jeune homme. À cet accent hostile et impérieux, Ralph s'arrêta aussitôt et interrogea le visage de l'ex-juge qui rougissait légèrement. Que voulez-vous dire, juge Denison? Pour n'être qu'un boy, je n'en ressens pas moins les insultes. Inutile d'ébouriffer vos plumes, mon jeune coq. Ce que je veux dire, le voici. On n'a pas besoin de vous autour de ce rancho. Vous êtes une petite vipère qui piquera un jour si je lui donne l'occasion. Tant que j'ai cru que vous ne faisiez qu'exciter Madge à toutes sortes de diableries, je l'ai supporté. Mais maintenant, j'ai le soupçon assez net de ce que vous êtes, et je vous dis que je ne veux pas d'un espion aller venir autour de mon rancho. Un espion? Oui, un espion. Et peut-être, si on savait la vérité, pire qu'un espion. Ne serait-ce le souvenir du passé, je ne me contenterai pas de vous avertir de vous tenir à l'écart d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire, Tom Denison? Je dis ce qui se chuchote depuis longtemps. Qu'un individu qui circule à volonté parmi les peaux rouges et qui se faufile sans obstacle à travers le camp d'El Culebra et de ses outlaws est susceptible d'avoir des affaires louches à tripoter avec eux. Et vous osez me dire que je suis de cette espèce? Faites un peu attention à vos paroles. Vous avez été bon pour Madge et je n'ai pas envie de l'oublier. Ma mémoire est aussi bonne, meilleure peut-être que la vôtre. Mais quoique vous m'appeliez boy, je suis assez grand pour défendre mon bon renom. Ne vous inquiétez pas de cela. Je vous dis simplement que je n'ai pas besoin de vous dans ces environs et que je veux que vous laissiez Madge tranquille. Je ne vous dis que cela, je le veux. Maintenant, éloignez-vous. Ralph regardait fixement Tom Denison, cherchant à lire sur son visage les raisons d'une brutalité qui ne lui était pas habituelle. Il sentait poindre en son esprit un soupçon qu'il se retint d'exprimer. Ne me poussez pas trop. J'ai besoin de voir Madge et je vais la voir. Mais ensuite, je ne vous ennuierai plus d'ici un an. Après, on ne sait pas. Vous ne verrez pas Madge, quand même vous attendriez un an. Elle est sortie pour le moment, et je veillerai à ce que vous ne soyez pas ici quand elle va rentrer. Allez, jeune homme, je le veux, je le veux. Je ne tiens pas à être obligé de vous chasser avec quelque chose de plus rude que mes paroles. Le groupe d'hommes, assez rapproché pour entendre à peu près, écoutait, non sans étonnement. Tous étaient au service de Denison, et il n'y avait personne parmi eux qui nourrit un sentiment particulièrement favorable au jeune garçon. Plusieurs s'avancèrent comme pour prêter main forte. Les mains de Ralph Duncan s'abaissèrent sur ses hanches, s'appliquant aux crosses des revolvers qui y étaient suspendus. La grimace d'un sourire aux lèvres, il leur fit face à tous. « Partez-vous ? » demanda encore une fois Denison. L'air d'obstination empreint sur le visage du jeune homme se dissipa. Il croisa les bras et, regardant son interlocuteur dans l'œil, « Oui, je m'en vais, non par peur de vous ou de vos matamores, mais parce que c'est le mieux pour elle et pour vous. Mais avant de m'en aller, un mot d'avertissement. Prenez garde. Défiez-vous de tout le monde, et surtout, défiez-vous de ceux qui s'appellent vos amis. Il y a une ombre de mort autour de ce rancho. Ouvrez l'œil, ou avant que bien des jours se soient écoulés, vous serez hors de la portée des avertissements. » « Quoi, garçon, me menacez-vous ? Moi, non pas, mais je vois l'orage à distance. Acceptez mon avertissement et gardez-vous. » Il se tourna et s'éloigna à grands pas, laissant Denison et ses hommes perplexes, car ils ne comprenaient pas le sens de ces mots d'adieu. « C'est un vrai coq de combat, pas d'erreur. Il est prêt à courir où ses poules l'appellent. C'est un bon petit homme, juge. Et peut-être que vous avez été un peu rude avec lui. Pas du tout, dit un autre. C'est un mauvais gars. Oui, et le pire, c'est qu'il est prêt à lâcher son coup de fusil et qu'il tape dans le mille à chaque fois. Surveillez-le, juge. Autrement, vous attraperez un vent coulis. Un jour que vous n'aurez pas regardé de son côté, il vous a charitablement prévenu en s'en allant. Les observations de ce genre continuèrent un moment, quelques-unes en faveur de Ralph, les autres désobligeantes. Qu'il fût en colère quand il était parti, tous l'avaient vu, et la plupart inclinés à prendre ses dernières paroles comme une menace de mort. Dennison, de son côté, ne savait pas trop ce qu'il devait croire. Il s'éloigna sans dire un mot. Ce gamin qui le défia à sa barbe, c'était vexant pour lui, et il en enrageait. Mais il avait conscience depuis le commencement de ce qui arrivait. Il s'était assuré que cette querelle n'était pas vraiment la sienne, mais celle d'un autre qui avait fait de lui son instrument. Il ne se souciait pas d'écouter les conversations qui allaient s'en suivre, il n'en doutait pas. Mais il aurait bien voulu que tous ces flâneurs n'eussent pas été là, au moment d'une entrevue qui ne demandait aucun témoin. Ennuyé et incertain, il sauta sur le dos de son Mustang et partit au galop sans savoir où il allait. Il s'était à peine passé quelques minutes, et les hommes causaient encore de Ralph Duncan et des désagréments qui se préparaient entre lui et le juge, lorsque le bruit d'une détonation lointaine vint jusqu'à leurs oreilles. Personne n'y fit grande attention au moment, mais quelques-uns tournèrent négligemment les yeux dans la direction d'où le bruit semblait venir. Il eut alors un cri de surprise. Le Mustang du juge arrivait droit sur eux, mais à première vue, il semblait sans cavalier. Puis, le cavalier apparut peu à peu au-dessus de la selle, mais son corps plié se balançait faiblement en tous sens, comme celui de quelqu'un grièvement blessé. Quelques mètres plus loin, il s'affaissa de nouveau en avant, serrant étroitement de ses bras le cou du cheval, et c'est ainsi qu'il revint à l'endroit d'où, quelques moments auparavant, il était parti dans toute sa force. Comme le Mustang s'arrêtait de lui-même, devant la porte, la brusquerie de la secousse fit lâcher prise au cavalier qui roula lourdement à terre. Effarés, les hommes se précipitèrent et se rassemblèrent autour du juge étendu. Sa poitrine était marquée d'un gros caillot de sang, son visage était livide et crispé. Il leva les yeux sur ses amis, ouvrit la bouche, comme en un spasme, et dit « Ce garçon, ah ben !» Ce fut tout, ses paroles mêmes, il ne les prononça qu'à grand-peine, et avant d'avoir pu finir la phrase, il se renversa en arrière, sans force, sans souffle, et selon toute apparence, mort. « Le boy a tenu parole, » dit l'un des hommes, d'une voix grave. « Maintenant c'est à nous de lui montrer la justice du Texas. »« Oui, oui, c'est ça !» répétèrent toutes les voix, et presque tous coururent à leurs chevaux.